418-640-2575, poste 201, ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter ckrl.qc.ca. Bonsoir tout le monde et bon samedi soir à l'écoute de CKRL 89.1 Québec. Et vous êtes en compagnie de Bruno, France et Jean-François pour l'émission Terra Incognita de 22h à minuit. Bonsoir France. Bonsoir. Et bonsoir. Salut Bruno. Bruno sur ses pitons et salut Jacques qui nous quitte et pour être de retour à minuit. Mais nous, on a une belle émission et avec des Québécois aussi parce qu'on va parler de Your Favorite Enemies. Un bon groupe qui a sorti un disque qui s'appelle Tokyo Session. En fait, c'est la reprise de leur album Between Illness and Migration. Et Your Favorite Enemies, ça a été fondé à Montréal en 2006. Puis, ils ont gagné des prix. Puis, c'est comme on discutait avec Vincent tantôt, c'est vraiment do it yourself. Eux autres, ils font tout. Même que le premier album... c'est toi qui l'avais acheté? Ben oui, à la porte de chez moi. Ben oui, ça, j'avais trouvé ça tellement débrouillard. Des jeunes, là, monter une équipe comme ça pour aller vendre les 10 par les portes, ben, moi, je trouve que ça force l'admiration. Et ben, le deuxième, je l'avais acheté chez HMV, puis c'était un autre sujet avec nos amis des illusions auditives. Ben, HMV qui ferme. Hein, ben oui. C'est pas triste, ben, ça. Toutes les disquaires se mettent à fermer. Et donc, pour revenir à Your Favorite Enemies, comme je disais, en 2014, il avait sorti l'album Between Illness and Migration, mais en 2016, ils ont lancé une nouvelle interprétation et ça a gagné des prix un peu partout. Ça s'appelle The Tokyo Session. La pièce qu'on va entendre, ça s'appelle From the City to the Queen, to the Ocean, pardon. Et c'est extrait de cet album-là. Ça a une saveur beaucoup plus progressive que la version originale et l'ensemble d'albums sonne comme ça. Mais juste avant, on va entendre Carphagène, qui est un groupe ukrainien. Et en fait, c'est pratiquement l'œuvre d'Anthony Kalugin qui a fait 8 disques jusqu'à maintenant sous le nom de Carphagène. Et parmi ces groupes-là, il y a Sunchild, Hogwash et aussi divers autres projets. Et on va parler aussi un petit peu de Ill Ward. Oui. Un bon groupe de Québec qu'on a eu l'occasion de voir au Bar Lanty. Ben, on a jasé un peu... avec David. C'est mercredi soir, je pense. Oui, à Neil Morse. C'est au show de Neil Morse. D'ailleurs, on va y revenir à Neil Morse. On va entendre un extrait, un bon spectacle. Et bien, en jasant avec David, je lui ai demandé, parce que je trouve que le disque sonne un peu Porcupine Tree, ben, il dit oui. Donc, c'est une influence majeure. Je me demandais, écoute, c'est juste une impression comme ça? Ben non, il a confirmé que Porcupine Tree est un groupe important pour eux autres. Donc, on va entendre une seconde pièce d'un très bon album qui s'appelle Flies in Amberstone. Et on va terminer ce bloc avec Professeur Tip Top. Thank you.

The sand in the glass is growing. A race you cannot win. I've been searching all this time. The equation of life. As my Et donc, Professeur Tip Tap, leur album Exobiologie. Ce qu'on a entendu, c'est Exobiologie, Part 1. Et si ça ne vous rappelle rien, c'est que vous ne connaissez pas Stevie Leage. C'est ça, oui. Mais c'est très bon. C'est des jeunes Norvégiens. Et ben c'est dans. Moi, je trouve que c'est dans un mood un petit peu comme Your Favorite Enemy, la pièce qu'on a entendue, From the City to the Ocean. Si on les avait mixés ensemble, je pense que ça aurait été un petit peu dans le même mood. Quoique Your Favorite Enemies, ben, ça ressemble à personne. C'est quand même... C'est eux autres. C'est plus original, ben, tant qu'à moi. Là. Donc, c'est un très bon disque qui s'appelle Between Illness and Migration de Your Favorite Enemies. Et entre les deux, il y avait Illward de leur album Fly in Numberstone. Et David, il me disait qu'il travaillait pour en sortir un nouveau cette année. Là. Possiblement que ça pourrait voir le jour cette année. Et la pièce d'ouverture, c'était à Carphagène d'un nouvel album qui s'appelle Spectra. Et bien, on va continuer dans la musique norvégienne avec un groupe avec un drôle de nom. Je te laisse le dire. Pimlico. Ben oui, Pimlico. C'est Michel qui est arrivé avec ça. C'est un disque qui s'appelle Meeting Point, des Norvégiens aussi. Et ben, ils ont déjà 4 albums, puis on ne les connaissait pas. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Mais c'est bon. Ça a un petit côté pop aussi. Et ça s'écoute bien. D'ailleurs, on va l'entendre sur une pièce. Et bien après, on va entendre du Big Big Train. Je pense qu'on n'a pas fait jouer encore leur album en concert qui s'appelle A Stone's Throw From the Line. Et je pense pas que ça a joué. Je me souviens pas. Bruno, tu te souvenais de ça? Je pense pas. Il me semble que j'ai pas vu passer ça. Et on terminera le bloc avec Pandora qui a fait un drôle de disque parce que il y a une première partie, en fait les 4 premières pièces qui est du nouveau matériel. Après ça, il y a une transition qu'ils ont appelée. On va regarder ça comme pour. Qui ont appelé Temporale Transition. Et donc c'est une pièce originale pour la moitié. Et la deuxième moitié, c'est Canto di Primavera du groupe Banco. Pour le fragment du passé, on a une reprise de Second Home by the Sea de Genesis, Man of the Thousand Faces de Marillion, Ritual Part 2 de Yes et Lucky Man que Michel a fait jouer dernièrement. Et ben, on peut peut-être parler un petit peu de concert. Vous rappelez qu'il y a Terra Incognita, le festival Terra Incognita. Ah oui, bien hâte. Les groupes, le 20 mai, Universe Effect, Eden Song, Glasshammer. Le 21 mai, Il Paradiso degli Orchi, Comedy of Error, puis Austin Assonaton. Ah oui, on va être bien gâté avec des Italiens, des Écossais. Deux Italiens, un Écossais, deux Américains, puis un groupe québécois. Ah oui, il y en a des bons groupes au Québec. Oui. Et bon, si on y va dans les concerts qui s'en viennent, les prochains? Le 19 février, Saga, la salle Jean-Paul Tardy. Très belle salle en passant. On a pu la voir au concert de Neil Morse cette semaine. Le 22 février, Pain of Salvation au Cercle. Le 24 février, Aldi Meola au Palais Montcalm. Le 2 mars, The Best of Pink Floyd, c'est la troupe à Richard Petit au Capitole. Le 3 mars, Premier Ciel, qui vont jouer l'Eptal à l'Impérial. Le 16 mars, Red Sen au Centre d'art. Le 24 mars, Sau Project Gabriel à la salle Jean-Paul Tardy. Le 8 avril, IQ à la salle Jean-Paul Tardy. Le 12 avril, c'est une formule acoustique avec Hillward, Inner Odyssey, Goff Tate, le chanteur de Queensrush. Oui, à la salle multi de Méduse. Le 5 mai, Anne de la Garde à la salle Jean-Paul Tardy. Et le 14 mai, Adrienne Bello Power Trio au même endroit. Bon, on va reprendre notre souffle avec Pimlico.

Just like you. You, my one desire, not available, just like you. Like a dirty river hidden among the rocks, just starts to follow winds that cease to fly. And you, the way you are, it's unavoidable. Just like you, you decided to come down when suddenly you fly. Then your arms start to unfold and the form becomes a fly. CKRL. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, plongez au cœur de nos installations. Laissez-vous scruter par 5 robots qui réalisent votre portrait. Suivez la trajectoire lumineuse de 25 escargots, domptez une imposante créature flottante. Le Mois Multi, c'est 25 jours de festivités et de rencontres avec des œuvres hors du commun. Du 2 au 26 février à Méduse et chez plusieurs partenaires. MoisMulti.org. L'Allegra qui est de retour pour une 6e édition. 16 février au 4 mars, les hôtesses d'hilaire, Floating Widget, Francis Faubert, Deux Pouilles en cavale, Royal Caniche et Lesbo Grooven seront en spectacle au Divan Orange de Montréal, aux Haricots de Saint-Hyacinthe et au Cercle de Québec. À chaque soir, on finit ça avec Pagliaro, Xavier Caffeine, Groovy Aardvark, les Delaware Chuck, les Breastfeeders, les Chiens, Violette P et Bad Uncle. Pour l'horaire complet, va sur legrock.com. Objectif? Objectif? 42 000 $. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radiothon de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochains. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial prix Radiothon et le prix membre. Notre objectif, 42 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter ckrl.qc.ca. Ben oui, CKRL 89.1 à Québec et vous êtes en compagnie de Jean-François France et Bruno. Et c'est l'émission Terrain Incognita qui se poursuit jusqu'à minuit. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site www.terrainincognita.québec si vous voulez avoir la playlist de l'émission, donc détaillée, et ce sera disponible dans le courant de la journée demain. Mais le podcast, lui, sur le site de CKRL est disponible aussitôt que l'émission est terminée. Vous pouvez aussi nous rejoindre au 640-1586. Et par l'e-mail au terrainincognita_ckrl@hotmail.com. C'est une bonne idée de nous contacter là-dessus. Dernièrement, il y a quelqu'un qui voulait avoir la liste des spectacles que tu as donné. Et France s'est fait un plaisir de transmettre la liste en question. Et il y a aussi la page Facebook de Terrain Incognita que Michel met à jour régulièrement. Il y a toutes sortes d'informations, dont une grosse nouvelle qui, si vous avez écouté les illusions auditives, il y en a été question grandement, c'est du décès de John Wetton, un grand de la musique progressive des années 70 et même encore aujourd'hui. Il devait participer à la tournée avec Asia. Il était remplacé par Billy Sherwood. On va en entendre une pièce en fin d'émission. Et Jacques Dulac pour l'autoroute va en faire jouer une heure. Donc, si vous êtes amateur de John Wetton, c'est une bonne occasion. Et on va poursuivre avec Consorcio Aqua Potabile. Un nouveau disque. Là, tu me... Ne me demandez pas de le prononcer, celle-là. On peut dire juste cap aussi. OK. C'est un peu comme PFM. Ouais. On n'est pas obligé de dire premier temps, fournirien, Marconi. Et ben oui, c'est la compagnie de l'eau potable, autrement dit l'aqueduc. C'est un vieux groupe, mais qui n'est pas très productif. Ils sortent un album de temps en temps. Mais là, dans ce cas-ci, je vois que c'est une association avec Alvaro Jumbo Fela, donc le chanteur du groupe Jumbo. Un groupe italien qui n'a pas percé beaucoup ici. Là. C'est pas comme Les Hormis ou PFM et même Banco. Mais il y a une très belle voix, le monsieur. Et le disque est bon, une belle pochette. Et on va entendre un extrait qui s'appelle Ioti Canto. Mais on va entendre aussi quelque chose d'assez nouveau, hein? Return to Homadown de Mike Oldfield. Donc, c'est une suite à son album Homadown qui est apparu, si je me souviens bien, je pense que c'était en 1976. Ça ne nous rajeunit pas personne. Mais contrairement à Tubular Bells, quand il avait fait Tubular Bells 2, en fait, il reprenait les thèmes, puis il avait comme recomposé ça, si on veut, mais on reconnaissait quand même, même si c'était complètement réarrangé, là, on reconnaissait certains thèmes. Dans ce cas-ci, il y a juste des petits flashs, parce que dans l'ensemble, c'est une nouvelle musique. Mais probablement qu'il s'est dit que tant que Robert Reed, avec son Sanctuary, faisait du Mike Oldfield, il s'est dit « Pourquoi j'en ferais pas moi-même du Mike Oldfield? » C'est probablement ce qu'il s'est dit. Donc, on va entendre, la première partie qui s'appelle « Return to Homadown Part 1 ». Mais juste avant, on entend « Consorcio Aqua Potabili ». Fine giù. incontrato i tuoi occhi belli. Tu ballavi ed io ti guardavo. Era un po' brillo e tu mi sorridevi. Era il tempo in cui ogni sera scolavo bicchieri di Barbera. E un po' allegro giravo per la città, cercando un po' d'amore qua e là. La canzone che stai ascoltando è scritta nel cuore di chi canta. I versi li porta via lontano il vento, insieme al tempo che non ritorna più. È finito il tempo in cui Lucia stava nel cielo con dei diamanti e il sergente Pepper girava il mondo con la banda dei cuori solitari.

Mike Oldfield, de son nouvel album Return to Omadown. Ben, on reconnaît certains thèmes qu'on a entendus sur le premier Omadown, mais on peut dire que recomposer ça, c'est pas juste une réinterprétation. Et juste avant, on avait commencé avec Consorcio Acqua Potabile de leur nouvel album qui s'appelle Coraggio e Mistero. Et ben là, on va tomber dans quelque chose qu'on aime. Là. Ah oui! Universel Totem Orchestra. Ben oui. Michel en a mis, Marc aussi, le nouvel album qui s'appelle Mathematical Mother. Eux autres ne sont pas très productifs parce que c'est le troisième en plusieurs années. Ça fait bien une bonne 10-12 ans là, qui fonctionne. Et ben, je pense que, d'après ce que Michel me disait, il a offert le disque à beaucoup de monde, puis il y en a plusieurs qui ont passé le tour. C'est pas de la musique, je comprends pas, là. C'est classé dans le ZEU, là, le type de musique qui a été, disons, inventé par Magma, Christian Wagner. Van der. Et en tout cas, nous autres, ça tombe dans nos goûts. Puis, ben, on va revenir un petit peu dans le passé sur leur premier qui s'appelait Rituale Alieno. Et cette pièce-là, par exemple, je pense que tout le monde l'aime. Là, la pièce d'ouverture avec la belle voix, c'est une pièce de 4 minutes 33. Donc, on va écouter cette pièce-là qui s'appelle Pane Astrale. Et après, on va entendre une pièce qui vient du nouveau disque qui s'appelle Mathematical Mother. Donc, on débute avec Rituale Alieno de Universal Totem Orchestra. Thank you.

surely you can turn to God alone. You are never too far gone. His mercy is new each day. You can still sing freedom's song. You're not so far gone. You're never too far gone to ever turn again. Hey, yeah. I'm a man in the iron cage of death. Started with a little slip, now it's such a une pièce du Neil Morse Band, extrait de leur dernier album qui s'appelle The Similitude of a Dream, et ça rappelle des bons souvenirs, ben des souvenirs récents là, de mercredi dernier. Ben oui, ils l'ont fait celle-là. Mais moi je trouve que ça sonne un peu comme le Black Dog de Led Zeppelin, un petit peu à la façon de Still of the Night des Whitesnake ou Changing Time de Nazareth, qui avait fait une pièce que, moi je trouve qu'elle ressemble plus à celle de Nazareth là, mais ça a un petit côté Black Dog là. Et juste avant, ben c'est pour les initiés, Universal Totem Orchestra, qu'on aime beaucoup, mais qu'il faut écouter peut-être plus longtemps. Et c'est une musique qui nous plaît beaucoup. Mais on a parlé de John Newton qui a passé l'arme à gauche le 31 janvier dernier. Ça fait quand même pas longtemps. Et ben Jacques, tantôt, à l'autoroute, va faire une rétrospective un peu de la carrière de John Wetton à travers Family et Sans vendre les punch, là, divers groupes dans lesquels il est passé. Nous, ben, on va y aller avec un extrait du coffret Starless, un gros coffret de 27 disques. On va entendre la pièce Exile, qui à l'origine provenait de l'Arxlong Inaspic. Là, ça a été enregistré en 1973 à Glasgow. En Écosse. Ben oui, un très bel endroit. Donc, on y va avec King Crimson Exile pour rendre hommage à John Wetton. Et on vous souhaite une bonne semaine et restez à l'écoute avec Jacques Dulac pour l'émission L'Autoroute. Thank you.